les mêmes choses, les mêmes causes, les mêmes sentiments au centre du tout. Pour les mêmes bâtiments, vas-y, check, si tu quittes, ça c'est pour Raïda, Sami, Step, qui bouge, te quitte. Toujours les mêmes choses, les mêmes causes, les mêmes sentiments au centre du tout. Pour les mêmes bâtiments, vas-y, check, si tu quittes, ça c'est pour Raïda, Sami, Step, qui bouge, te quitte. Toujours les mêmes délires, les mêmes bars qu'on se tape tous les soirs. Toujours les mêmes roms, les mêmes skype, qu'on n'arrête pas de boire. La routine s'installe, de quoi en devenir pâle. On dit se tirer une balle, on coupe puis on décale. Bah ouais, on revend tout, on a la dalle. Toujours les mêmes décors qu'on squatte, les mêmes têtes qu'on croise, les mêmes bars qu'on se tape. Toujours un son d'Ipunk dans la voiture, et sous l'emprise de la tease et de la skunk. Ça danse e-walk dans la hure, vise la cadence, c'est moche ta vue. Toujours les mêmes choses, les mêmes doses. Chaque soir c'est tard et même trop tard pour changer quoi que ce soit. Ouais ça se voit, j'ai pas été élevé dans la soie. J'pense que ça se ressent, si tu comprends. Malheureusement c'est que toi et moi on se ressent. Toujours les mêmes choses, les mêmes causes, les mêmes sentiments au centre du tout. Pour les mêmes bâtiments, vas-y check, et si tu piques ça c'est pour Raïda, Sami, Step, qui bouge, te quitte. Toujours les mêmes choses, les mêmes causes, les mêmes sentiments au centre du tout. Pour les mêmes bâtiments, vas-y check, et si tu kiffes, ça c'est pour Raïda, Sami, Step, qui bouge, te quitte. Fous la rage. Et si j'vais toujours les mêmes discours sur les mêmes bidons, c'est quand faut que je réduise le bilan, que je lâche le bilan, que je trouve un filon pour me faire des millions. Dans ma tête j'entends sans cesse, arrête de rêver des bons qu'à tiser. Fumer, baiser et rapper, et y'a rien à faire, promis. J'y arrive pas, la force démentaire ici, encore une fois. Alors quand même je positive, jamais je pose la tease. Ok je sais, j'entends sans arrêt. Raïdas le drogué, à la tease, au shit, à la zik, au beat. Toujours les mêmes paroles, dites par les mêmes tafioles. J'm'en fous, j'suis encore dans le coup. Grâce à la tease, mes rimes s'amplifient, jamais ça s'amplifie. Toujours les mêmes choses, les mêmes causes, les mêmes sentiments au centre du tout. Pour les mêmes bâtiments, vas-y check, si tu quittes, ça c'est pour Raïdas, un mixtape qui bouge, te quitte. Fous la rage. Toujours les mêmes choses, les mêmes causes, les mêmes sentiments au centre du tout. Pour les mêmes bâtiments, vas-y check, si tu kiffes, ça c'est faux. Raïdas, un mixtape qui bouge, te quitte. Fous la rage. Ha. Toujours la même.